Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Ça a bougé pas mal dans le marché des joueurs autonomes hier dans la Ligue nationale de hockey. Vous n'avez rien vu parce que dans la NBA, ça a bougé beaucoup. Puis on est en attente à Toronto du dossier de l'heure, le dossier Kawhi Leonard. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Pascal. D'abord, on va y aller avec le dossier de l'heure par commencer. Kawhi n'a toujours pas signé aujourd'hui. C'est une journée importante puisqu'il devrait rencontrer les Clippers. Et moi, c'est de valeur que je comprends pas l'anglais parce que j'écoute ESPN Radio, là, puis les émissions sont toutes sur Kawhi, quasiment. C'est incroyable. Ouais. Hein? Écoute, juste avant de parler de Kawhi, Danny, juste de dire que 40% des joueurs de la NBA étaient sur le marché des joueurs autonomes. Hey, c'est fort. Ouais, c'est ça. Fait qu'il, écoute, c'est comme une nouvelle ligue, quasiment. Hey. Pour venir sur Kawhi Leonard, depuis un bon bout de temps, on en avait parlé. Les Clippers de Toronto. Ouais. Il y a eu une rumeur avec les Knicks par rapport à Kevin Durant, ouais. Mais ça, c'est vraiment loin. Mais ce qui s'est passé dans les derniers jours, ça a commencé avec le commentaire que Kawhi Leonard ou son entourage voulait parler avec Magic Johnson. Ouais. Même si Magic Johnson n'est plus président de l'équipe, on sait que c'est quelqu'un qui est, si je me trompe pas, très important avec... Ben, c'est encore l'influence pareil, Magic, là. C'est un des plus grands noms de l'histoire de la NBA. On dira ce qu'on voudra, là. Oui. Mais d'après moi, je pense qu'il voulait avoir une idée de ce que comment ça pouvait aller, comment ça fonctionnait, pourquoi ça n'a pas bien été cette année. OK. Aux dernières nouvelles, dans la rencontre de joueurs autonomes, Magic peut pas être là. Parce que c'est seulement les joueurs, les agents, et les représentants officiels des équipes. Mais, ça a donné une puce à l'oreille aux gens de dire « Ah, il y a peut-être un intérêt à Los Angeles. Okay? » Maintenant, on recule, Danny. Lorsqu'il a dit aux Spurs « Moi, si vous m'échangez, c'est à Los Angeles. Ouais. » Les Spurs, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont demandé. Là. Mais lui, Kawhi a toujours eu l'intention de retourner d'où il vient, qui est Los Angeles, ouais. de jouer à Los Angeles. On n'a pas vraiment donné de nom. À l'époque, on parlait des Lakers. C'est sûr que tu as le choix entre les deux équipes. L'équipe la plus prestigieuse, la plus spectaculaire, c'est les Lakers de Los Angeles. Les Clippers ont connu une saison spectaculaire sans joueurs vedettes. Les Clippers, j'ai comparé un petit peu comme Toronto. Il n'y a pas de deuxième ou troisième superstar. Selon moi, le gros joueur aux Clippers en ce moment, c'est Lou Williams. Et c'est vraiment le leadership de l'entraîneur Doc Rivers. Ils ont connu une saison quand même spectaculaire. Ouais. Après avoir échangé Tobias Harris, qui était le joueur vedette, ils ont fait les séries. Écoute, ils ont quand même emmené les Warriors à 6 matchs. Maintenant, Kawhi a dit que la dernière équipe à qui il va parler, pour avoir le mot de la fin, c'est les Raptors. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il peut rester à Toronto pour un contrat de 2 ans avec la deuxième année d'option? Oui. Pour se dire, je vais peut-être essayer d'aller chercher notre championnat ou il va s'en aller à Los Angeles. Et la question maintenant, avant c'était vraiment juste les Clippers qu'on parlait, mais je pense que les Lakers sont je serais pas surpris d'aller si ce soir, parce que d'après moi ça va se finaliser aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut prendre une décision avant le 4 juillet. Donc probablement ça va se faire demain ou après-demain. Et si jamais il décide d'aller aux Lakers, je serais vraiment pas surpris. OK. Donc, mais les Clippers, mais il rencontre les Clippers aujourd'hui pareil aussi, je pense, hein? Les Clippers aujourd'hui, il va sûrement rencontrer les Lakers et Toronto va faire le pitch final pour le garder. Ce qui m'inquiète des Raptors, c'est qu'ils ne semblent pas avoir de plan B, hein? C'est vraiment Kawhi et c'est la reconstruction. Est-ce que je me trompe? Mais ils sont pas dans une position comme les Knicks étaient ou Brooklyn ou Los Angeles Clippers ou d'offrir d'aller chercher un autre joueur. ils sont dans la position de donner un contrat maximal à Kawhi Leonard. Mais c'est pas comme si on échangeait des joueurs dans les dernières journées pour dire à Kawhi, regarde, tu restes. Nous, on peut aller chercher, exemple, Kevin Durant. On n'a jamais entendu ça de Toronto. Non. Tu comprends, Danny? On va aller chercher Kyrie Irving. On va aller chercher Jimmy Butler. On n'a jamais entendu Toronto parce que je pense qu'au niveau contractuel, à moins d'avoir un échange, il n'y avait pas de position pour une deuxième vedette. Ouais. Donc, si Kawhi reste, ça va être un contrat à court terme, selon moi. Ouais. Mais, écoute, je peux te mettre dans une position pour gagner un championnat. Le retour à Toronto n'est pas... Tu sais, Danny, je ne veux pas être méchant. Si Kawhi manque le lancer contre les Sixers, c'est les Sixers qui se retrouvent en finale contre. Ouais. Je veux dire, on a quand même été à 7 matchs. Puis, oublie pas que les Warriors, sans enlever le prestige du championnat de Toronto, c'est un petit peu comme quand quelques années, Danny, quand je disais aux gens, LeBron, il s'est retrouvé en finale sans Kyrie Irving, sans Kevin Love. T'arrives dans une finale NBA, t'as une grosse saison, puis tes deux meilleurs joueurs sont absents, c'est dur de gagner. Là, on a quand même battu, Kevin Durant, qui est considéré le premier ou le deuxième meilleur joueur de sa planète, a joué 12 minutes, Danny, contre Toronto. Okay. Puis quand il s'est blessé, il menait dans le match. Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est sûr que je pense que Toronto n'ont pas assez à offrir à Kawhi si on regarde les ajustements que les équipes de l'Est et de l'Ouest sont en train de faire en ce moment. Fait que je serais surpris qu'il reste à Toronto et je serais pas surpris qu'il signe avec les Lakers. Donc, et en passant, Masai Ujiri, avec toutes les offres qu'il avait eues, dont Washington, qui était une offre même d'avoir des parts dans l'équipe, a annoncé qu'il restait à Toronto. Probablement, c'était en espérant que Kawhi voit qu'on est une bonne organisation, on a tout fait pour toi, on s'est débrouillé pour te reposer pendant la saison, puis moi, je reste. Ouais. C'est clair et net. Mais je pense que Masai Ujiri, si Kawhi ne signe pas, va probablement avoir un offre l'année prochaine. c'est clair. On va surveiller ça de très, très près. Ailleurs, dans la NBA, Pascal, il y a eu vraiment des dossiers. Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan s'en vont tous les trois avec les Nets. Et là, les Knicks, le président qui a demandé patience aux partisans, les Knicks, écoute, ça commence à urger à New York. Là, hein? Ben, je pense parce que beaucoup de monde voyait Durant et Irving avec les Knicks. Écoute, c'est un peu une comment je pourrais dire ça? C'est comme si deux des meilleurs joueurs de la ligne de hockey avaient snobé les Canadiens de Montréal pour être avec les Nordiques. Ou les Leafs de Toronto. Mais je te parle. Ouais, je te parle là. Ouais. Je te parle. Entre Brooklyn et les Knicks, entre les Nets et les Knicks, Danny, on parle de 20 minutes en auto, là. Ouais, j'essaie de t'expliquer, tu sais. Quand on avait les Nordiques, c'était 2 heures d'auto, là. Mais là, c'est encore plus près, là. Mais l'équipe prestigieuse, c'est pas les Brooklyn Nets, c'est les New York Knicks. Ouais. Kyrie Irving vient de ce coin-là, premièrement. Si je me trompe pas, il a joué à New Jersey au High School, mais je pense que c'est un gars de Brooklyn. Il a toujours voulu retourner chez lui. Tout le monde se doutait de la relation entre Kyrie et Kevin Durant depuis longtemps, qu'ils aimeraient jouer ensemble. Un peu comme LeBron a fait avec Dwayne Wade et Chris Bosh. Donc, pour moi, la plus grosse gaffe, je sais pas pourquoi ça a sorti dans les médias, ou c'était volontaire. Ils n'étaient, les Knicks, Danny, avec tout l'argent qu'ils avaient de disponible, ils n'étaient pas prêts de donner un contrat maximum, comme Brooklyn a fait avec Kevin Durant, sachant que la première année de ce contrat-là, tu le payes pour puis il est blessé. Est-ce que les assurances vont couvrir une partie de son salaire? Oui, absolument. Toutes les équipes NBA, l'argent. Mais que ce soit qui paye, ça c'est une histoire, mais ça rentre quand même dans la masse salariale d'une équipe. Ouais, c'est clair. Donc, mais c'est sûr et certain que les équipes NBA sont assurées. C'est pour ça que dans les NBA, les contrats sont garantis, parce que les joueurs NBA se blesse beaucoup moins souvent et beaucoup moins, c'est très rare à comparer à la NFL où on peut vraiment donner des contrats garantis à des joueurs, parce que le football, un jeu, ta carrière peut être finie. Là. Ouais, effectivement. La plus grosse nouvelle, comme tu as dit, c'est Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan en plus. avec une saison phénoménale. Du côté de Brooklyn, on perd vraiment D'Angelo Russell. Et Kevin Durant a facilité. Mais on dit que Russell serait en transition seulement à Golden State. Il ne resterait pas avec les Warriors. Est-ce que tu crois ça? Peut-être parce qu'on sait que Klay Thompson sera pas, va être absent pendant un 7-8 mois, mais D'Angelo Russell, c'est un joueur étoile cette année-là. Ouais. Il a connu une saison spectaculaire. Beaucoup d'équipes voulaient l'avoir. Il a connu une saison spectaculaire avec Brooklyn. Moi, je pense que tu peux te rendre à garder D'Angelo Russell avec Steph Curry et Klay Thompson pendant quelques années, puis être à un très, très haut niveau. Là. C'est pas Kevin Durant, mais c'est un autre joueur très spectaculaire qui tire à 3 points. Je sais que du côté Golden State, on a gardé aussi Kevin Looney. Mm. Et dans l'échange, on parlait de... Je sais pas si tu as eu la chance d'entendre ce que Andrew Iguodala disait. Il a sorti un livre, sixièmement. Et dans le livre, il dit qu'il s'est passé des choses à Golden State. Puis moi, je serais pas surpris, Danny, que Memphis, on parlait qu'il était échangé à Memphis, et que et de voir Iguodala signer avec les Lakers en passant. Ah, ok. Est-ce que je reviens sur les lunettes? Est-ce que la venue de Kyrie également, Kevin Durant et DeAndre Jordan fait une équipe extraordinaire? Kyrie Irving, c'est un échec à Boston, là. Tu sais quoi, Danny, ouais. J'étais pas impressionné. Là, pour venir sur Kyrie Irving, pour parler de Kyrie Irving, ouais. On part, quitte Boston pour Brooklyn. Qui le remplace à Boston? Quelqu'un qui a les mêmes statistiques à des cheveux, là. Mm. 23 points par match, mettons, 6 aides. Mm. Kemba Walker. Maintenant, Kemba Walker, c'est pas Kyrie Irving. Mm. Mais c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. Mais ce que Boston aime de Kemba Walker, à l'encontre de Kyrie Irving, c'est pas un problème dans le vestiaire. Okay. Et ce qu'on n'a pas aimé de Kyrie Irving à Boston, c'est les petits coups derrière, c'est les petits commentaires dans les médias. Il se lève un matin, il est heureux, je vais rester ici le reste de ma carrière, deux jours après, oh, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Tu sais, il a pas démontré un excellent leadership. Mm. Peut-être qu'avec Kevin Durant, peut-être qu'à Brooklyn, ça va fonctionner, mais ça a été probablement la chose la plus décevante de sa tenue à Boston, c'est que il était dernier à Boston, c'est là qu'il était blessé. Ouais. Ben, c'est la chimie qui est... Et oublie pas, Boston a perdu aussi Al Horford. Ouais, Al Horford, ben oui, il est rendu... Il a signé avec Philadelphie. Jimmy Butler est rendu également. Et puis, oublie pas que la première année à Brooklyn, c'est Kyrie Irving et DeAndre Jordan, parce que je serais... Peut-être que Kevin Durant pourrait être à 100%, mettons, en avril pour les séries. Okay. Ça, c'est possible. Okay. Jimmy Butler est rendu à Miami. Ouais. Ben, ça fait longtemps que Miami est intéressé à Jimmy Butler. Il y avait eu des négociations entre Minnesota. Et... C'est le joueur typique. C'est le joueur préféré de Pat Riley. C'est un gars qui joue offense defense. On appelle les two-way players. C'est un joueur d'année qu'on dit pas de niaisage avec lui. Lui va te le dire, ça marche pas bien. Il va te le dire, il a pas la langue dans sa poche. Il veut que les gens le respectent, mais en même temps, il demande du respect. Il veut que les joueurs travaillent fort. Fait que je suis vraiment pas surpris. C'est l'ère après Dwayne Wade. T'as besoin d'une vedette. Et tu sais quoi? Je pense que Jimmy Butler a toujours voulu être la star. Veut son équipe. Mm. Et, à Philadelphie, on a Ben Simmons, c'est vraiment l'équipe de Joel Embiid, faut pas se mentir, là. Mm. À l'encontre de Tobias Harris, je pense qu'il a signé avec quelques années à Philadelphie, qui fit bien le groupe, mais Jimmy Butler, avoir sa propre équipe, je pense que c'est un des attraits qui voulait le plus à Miami, donc je suis vraiment pas surpris de ça. Puis on a quand même fait des échanges à Sam Whiteside et rendu à Portland, si je me trompe pas, donc on était chercher d'autres joueurs. Comme tu sais, il se passe beaucoup de choses dans NBA, mais Jimmy Butler est rendu un hit. Ok. Aussi, dans les dernières nouvelles également, qu'est-ce qu'on peut dire que je suis en train de... Dans le cas de DeAndre Jordan, c'est fait. Dans le cas de Paul Gasol. Donc, est-ce que tu t'attends à un ménage à Toronto si Kawhi ne revient pas? Ben écoute, ça va être quand même difficile. C'est sûr que Kawhi ne revient pas, on est capable d'aller chercher quelqu'un, mais les gros noms ils vont être partis. Le gros, gros nom qui reste, Danny, c'est Kawhi Leonard. Ouais. Tu sais, Michael Brogdon, des joueurs. Non, c'est des joueurs, bon. Fait que probablement qu'on on va regarder peut-être pour un échange, on va regarder peut-être pour. Parce que là, Kyle Lowry pourrait partir, d'après moi. Oui, oui. Non, mais c'est ça, on peut. Moi, je pense que le plan B, Danny, on en a pas. Nous, on n'en a pas entendu parler. Le plan B, c'était on reconstruit. Oui. Mark Gasol a pris son autre option. Danny Green va probablement être échangé. Danny Green est joueur autonome aussi. Lui c'est quand même. Danny Green, il est un joueur autonome. Fait que, ouais, lui, il revient pas, c'est sûr. Probablement pas si Kawhi s'en va. Oui, OK. Dernière question, Pascal, c'est ça que je voulais parler. J'avais un blanc de mémoire. Je veux te parler de Isaiah Thomas. Pas Isaiah Thomas, l'ancien joueur. Isaiah Thomas qu'on a connu avec les Celtics, qui a fait pas mal d'équipes. Là, il est rendu avec les Wizards. Le gars qu'on a connu avec les Celtics, qui était un joueur dominant, qui a même terminé troisième comme joueur. Est-ce que c'est un joueur qui a connu seulement une bonne année ou c'est un gars de talentueux et qui a été ralenti par les blessures? C'est un gars talentueux qui a été ralenti par les blessures. Ce qu'il a fait à Boston, c'était spectaculaire, Danny. Ouais. Mais une blessure, si tu te souviens de Bo Jackson, c'était la même chose, sa hanche. Blessure à la hanche, revenir à 100%. Ça fait 2 ans qu'il essaye de faire de la réhabilitation. Je sais qu'il a été opéré après son passage avec les Cavaliers. Il s'est promené après Cavaliers, ça a été Los Angeles. Los Angeles, ça a été Denver. À Denver, il a quand même joué, je pense, une douzaine de matchs, 8 points par match. Mais il était pas dans la rotation. On sait que Denver, tu sais, on regarde Jamal Murray, il a signé un gros contrat là, de 140 millions, je pense. Fait que là, on parle des joueurs qui ont quitté leur équipe ou notre équipe, là, mais t'as beaucoup de joueurs qui ont re-signé avec leur même équipe. Mais du côté de Isaiah Thomas, moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Faut pas oublier que John Wall, il est blessé. Peut-être qu'il va avoir, en réalité, on l'emmène pour être derrière John Wall puis Bradley Beal. Peut-être qu'il va avoir un rôle plus intéressant, mais lui, il dit qu'il cet été, c'est sa dernière été d'entraînement, qu'il est en santé, qu'il est prêt à revenir au niveau. Fait que, est-ce qu'il va revenir au même niveau qu'il était? C'était le meilleur marqueur à la quatrième période dans la NBA, sa dernière à Boston. C'était tout un joueur de basket, mais c'est sûr que, tu sais, Danny, tu sais c'est quoi le sport, hein? Puis les blessures. Ouais. Dépendant de quelle sorte de blessure, puis des fois, ça peut être, ça peut pas nécessairement arrêter une carrière, mais ça peut la ralentir. Oui. Pascal, on s'en reparle dès que, probablement cette semaine encore, pour une dernière fois de la saison, dès que Kawhi aura signé avec les Lakers, les Clippers ou les Raptors. Ça va faire plaisir, Danny. On en parle. Pascal Jobin, collaborateur de la NBA.